Village est muet, on pleure deux amoureux. La brise me parle d'eux, délivrant ses secrets. Elle disait sois patient, il faut que tu comprennes. Regarde la lune pleine, peut en dire autant. J'attendrai patiemment en attisant le feu. Jamais tu n'auras froid, ma belle, j'en fais le vœu. Murmurez serment le bleu firmament. Le tout premier amour refait le monde à deux. Il respire des étoiles et brille comme un aveu. Elle était fleur fébrile, tombée dans le ruisseau. Il s'enfuit en forêt, la rejoindre aussitôt. On trouva dans sa lettre l'éclair et la tempête, un arbre foudroyé et un grand désespéré. Murmurez serment dans le bleu des tourments. C'est Roméo et Juliette à des années-lumière, et le temps qui s'arrête tout près d'une frontière. Le village est muet, on pleure deux amoureux. Il arrive que la nuit, la brise me parle d'eux. Murmurez serment le bleu firmament. Murmurez serment dans le bleu des Thank you.